بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc inshallah ta'ala, mes frères, nous continuons l'explication de notre livre Manhaj Salikin dans le fiqh, et nous sommes arrivés au chapitre concernant Nawaqid al-Wudu, les annulatifs des ablutions. On s'est arrêté à Wamas al-Farj, le fait de toucher les parties intimes. On avait dit que les savants, les ulama, ikhtalafu fi hadhihi al-mas'ala. Et on a dit que l'avis qui semble être le plus correct est l'istihbab, le fait qu'il est préférable, recommandé de refaire les ablutions lorsqu'on touche les parties intimes. Ensuite, l'auteur il dit rahimahullah ta'ala, wa tarsilu al-mayyit, wa tarsilu al-mayyit, c'est-à-dire le fait de laver le mort, faire le lavage mortuaire. Encore une fois, là l'auteur il cite les avis, selon lui les annulatifs des ablutions, et ensuite on explique. Wa fil haqiqa hadha ghayr as-sahih wa in kana ta'ifa qalila dhahabat bi hadha al-qawl. Et en toute honnêteté, cet avis ou ce point-là n'est pas correct. Même si un petit groupe de savants a mentionné cela, a mentionné le fait que le fait de laver le mort annulait les ablutions. Lianna ja'a fi al-hadith al-marfu' inna maytakum laysa binajis. Hasbukum an taghsilu aydiyakum. Pourquoi on dit que ceci n'est pas correct? Quel est un hadith qui a été rapporté? Il y a un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim ou Al-Bayhaqi, selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il est mentionné, et certes, vos morts ne sont pas impurs. Laysa binajis, ne sont pas impurs. Il vous suffit ou il te suffit, de laver vos mains. Il vous suffit de laver vos mains après le lavage. يعني يكفي أن تغسل يديك وهو السارف للحديث المشهور من غسل ميته فليغسل ومن حمله فليتوضأ. Et en fait, ce hadith qu'on vient de citer, et certes, vos morts ne sont pas impurs, il vous suffit de laver vos mains. Ce hadith vient restreindre l'autre hadith où il est mentionné celui qui lave un mort alors qu'il se lave, et celui qui porte le mort alors qu'il fasse ses ablutions. Amma al-haml بالاتفاق أنه مستحب والغسل يوجد غلاف يسير لكن الحديث لا يذكر الوضوء فليغتسل. Quant au fait de porter le fait de porter le mort il est préférable donc de refaire les ablutions. Mais quant au fait de le laver, ici, il est mentionné فَلْيَغْتَسِلْ. Il n'a pas dit فَلْيَتَوَضَّ pour celui qui lave. D'accord ? Il n'a pas dit فَلْيَتَوَضَّ. فَهَذَا الْغُسْلُ مُسْتَحَبْ لِأَنَّ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسْ حَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ. هو الصواب. إذا كنت على الوضوء وغسلت ميتا لا ينقض الوضوء لكن يستحب أن تغتسل. D'accord. Donc le hadith, le premier d'Abdullah ibn Abbas, il vient expliquer l'autre hadith. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Donc le professeur Sahim, il dit, celui qui lave un mort, qu'il se lave, ce n'est pas obligatoire. Parce que l'autre hadith vient dire, vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver vos mains. Donc comment on comprend le hadith, celui qui lave un mort, qu'il se lave, c'est préférable, c'est mustahab. D'accord, c'est recommandé. Al-Muhim, ce qui est correct, c'est que le fait de laver un mort n'annule pas les ablutions. N'annule pas les ablutions. ثم قال ورده ويا تحبط الأعمال كلها. Il mentionne un autre point. L'imam et il dit ar-ridda, yani l'apostasie, le fait d'apostasier, l'islam. C'est-à-dire quelqu'un qui dit une parole de kufr et qui sort de l'islam. S'il revient après dans l'islam, 5 minutes après, il a perdu ses ablutions. Vous comprenez? Une personne, on ne prend pas quelqu'un de nous, mais une personne musulmane, il insulte Allah et dit, moi, ça y est, je ne crois plus en Allah. Il sort de l'islam ou pas? Naam. 5 minutes après, il dit, a'oudhu billah, astaghfirullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Il revient. 5 minutes. Il n'a pas été aux toilettes, il n'a rien. Alors ici, selon l'auteur, il doit refaire les ablutions. Pourquoi il dit parce que l'apostasie annule tous les œuvres, annule tous les actes. Vous comprenez comment il a justifié son avis. وَوَا مِنْ مُفْرَدَاتِ أَحْمَدْ وَالْجُمْهُورْ لَا يَرَوْنَا نَعْرِدَّا تَنْقُدُ الْوُدُو. Ça fait partie des cas isolés de l'imam Ahmed, yani du madhhab de l'imam Ahmed. Quand on dit mufradat en arabe, ça veut dire un madhhab, il est seul sur son avis. D'accord? Mufradat al-Malikiya par exemple, mufradat al-Shafi'iya, mufradat al-Hanfiya. C'est-à-dire que dans ce sujet, ce madhhab il est tout seul, contre tous les autres. Entre guillemets. Donc, concernant le sujet de l'apostasie, seul le madhhab d'Imam Ahmed voit que ça annule les ablutions. Tous les autres, ils disent que non, ça annule pas les ablutions. Wa ridda an yakuna musliman thumma yaqul kalimat al-kufr fartadda min al-islam ala an-nasraniyya wal yahudiyya wa ghayri dhalik. Donc c'est quoi ridda en arabe ou dans l'islam? C'est la personne qui est musulmane puis qui dit une parole ou même qui fait un geste sur lequel il apostasie l'islam et il rentre par exemple dans le christianisme ou dans le judaïsme ou dans autre, et n'importe quoi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من بدل دينه فاقتلوه. الحنابلة يقولون أن الردة تنقض الوضوء لأن الله قال في القرآن من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. Donc ici, pour montrer c'est quoi Ar-Ridda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans Sahih Bukhari, celui qui change sa religion, alors il doit être exécuté. Bien sûr, il y a des règles à respecter, etc. C'est pas vous et moi qui devons l'exécuter, c'est le gouverneur après avoir, etc. Il y a certaines règles à respecter, mais c'est pas le sujet ici. Il y a un chapitre spécial dans le Fiqh, le chapitre concernant l'apostasie, avec les règles bien précises, etc. Et pas comme certains ignorants aujourd'hui, leur voisin il dit une parole ou fait quelque chose qui peut le sortir de l'islam, il y va, il le tue. Il a apostasie. Non, c'est pas comme ça. L'islam c'est pas le fauda. L'islam c'est pas l'anarchie et le chaos. L'islam c'est une religion qui est structurée avec des règles du Coran et la Sunna. Voilà pourquoi il faut étudier. Donc ceux al-Hanabila, ceux du madhhab de l'imam Ahmed, disent que l'apostasie donc annule les ablutions, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et celui qui mécroit en la foi, alors ses œuvres sont annulées. D'accord? Donc il dit ça, c'est une preuve, il a mécru, son voudou il a annulé parce que ça fait partie de ses œuvres. فالوضوء من الأعمال فحبط الوضوء على قول الحنابلة مثلا يتوضأ للظهر ثم ارتد ثم تاب ثم رجع إلى الإسلام، فعند الحنابلة عليه أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. وعند الجمهور يقولون وضوءه ما زال، لأن حبوث الأعمال مشروط فيها أن تكون بالموت، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. Donc les Hanabila ils disent, par exemple, la personne fait ses ablutions pour la prière du Zohor. Après le Zohor, il apostasie. Il dit une parole de kufr. Il fait un acte de kufr. Il apostasie. Ensuite, il fait tauba. Et il revient à l'islam. Donc selon eux, il doit refaire les ablutions. Parce que ses œuvres ont été annulées. Al-Jumu'ul lui dit non. Ses ablutions sont toujours sahih, sont toujours bonnes. Pourquoi ? Parce qu'ils disent les œuvres qui sont annulées par l'apostasie, c'est les œuvres qui sont conditionnées par quoi ? Par la mort. C'est-à-dire que s'il meurt dans cet état-là, toutes ses œuvres sont annulées. C'est-à-dire que l'annulation des œuvres est conditionnée par quoi ? Par le fait qu'il meurt après son apostasie. Et c'est quoi la preuve ? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui apostasie entre vous de sa religion et qui meurt et qu'il est mécréant, alors ceux-là, leurs œuvres sont annulées. La boude, c'est obligatoire, mes frères, lorsqu'on étudie des sujets, de faire quoi ? Jam'un nusus. De regrouper les textes. De regrouper les textes sur un sujet. Et de ne pas prendre seulement un texte et khalas, c'est fini. On doit regrouper les textes afin de comprendre et d'avoir une vue détaillée du sujet. Et c'est ce que font les savants de l'islam. Quand ils étudient un sujet, ils ne s'arrêtent pas à un seul texte. Et c'est comme ça que les gens d'innovation se sont égarés. Ils prennent un texte, et c'est bon, ils font un jugement sur ce texte. Ils ne regardent pas s'il y a un autre verset qui vient l'expliquer, s'il a été abrogé. Ils ne regardent pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans la sunna. Non, khalas, c'est comme ça. Non, tu dois regrouper les textes, regrouper les ayats et les hadiths pour comprendre le sujet. Ici, pour comprendre le premier verset, « Man yakfur bil iman faqad habita amalu », il faut aussi... le joindre avec l'autre verset où qui mentionne que cette apostasie, elle est conditionnée par quoi ? Plutôt, l'annulation des œuvres est conditionnée par quoi ? Par la mort. C'est-à-dire celui qui meurt apostat. Taïe ? فقيد الحبوط بالموت فقال الجمهور الحبوط يشترط الموت وهو الصواب لأن الدليل من الحنابلة مقيد بالموت لأن الدليل مقيد بالموت. Donc ici on voit que l'annulation des œuvres est conditionnée par la mort. C'est-à-dire que si les œuvres sont annulées après l'apostasie, c'est celui qui meurt dessus. Mais celui qui revient à l'islam, ses œuvres ne sont pas annulées. Et ceci est l'avis de la majorité des savants, et donc l'avis qui est le plus correct, wallahu ta'ala a'lam, pas parce que c'est la majorité, mais parce que c'est les preuves qui indiquent que c'est l'avis le plus juste, wallahu ta'ala a'lam. Donc ar-ridda, l'apostasie, n'annule pas les ablutions. Mais l'auteur, il a suivi l'avis de l'imam Ahmed, donc il a mentionné dans son livre. D'accord ? لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. Là maintenant, il cite les preuves de tout ce qu'il a mentionné auparavant, des choses qui annulent les ablutions. Ce verset est la preuve de quoi? Ce verset, c'est la preuve de quelle annulation? Et si un d'entre vous revient des lieux où il fait ses besoins. Donc c'est pour dire tout ce qui sort des orifices annule les ablutions. Là, il utilise cette preuve. On a expliqué. Ou qui a touché une femme. Ici, c'est quoi le sens? Le rapport intime. Al-jima' kama fassala ba'du salaf. Ici, et pas comme l'imam Shafi'i l'a dit, le fait de toucher, mais le fait d'avoir un rapport avec son épouse. Et ça implique pas seulement l'annulation des ablutions, mais aussi l'annulation de la grande impureté. La grande pureté, yani, il devient impur. Al-janaba, comme on va le voir dans le chapitre suivant, Inch'Allah. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم رواه مسلم. Là il cite le hadith sur la preuve de quoi? La preuve du fait de manger la viande de chameau. Ça annule les ablutions. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé, est-ce que je fais les ablutions lorsque je mange la viande de chameau? Il a dit نعم, il a dit oui, comme l'a rapporté l'imam Muslim. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول والنوم رواه النسائي والترمذي وصححه. On a déjà vu ce hadith concernant le fait d'essuyer sur les chaussettes ou sur les chaussons. Il a dit dans le hadith, cependant, pour celui qui a fait ses besoins naturels, ou plutôt une âme, que ce soit la petite ou la grande commission, comme on dit, ou qui a dormi. Donc ici, c'est la preuve pourquoi? Pour le fait de dormir. Parce que ici, Safwan ibn Assal, il mentionne que le prophète leur a permis d'essuyer les chaussettes s'ils ont fait leurs besoins ou s'ils ont dormi. Ça veut dire quoi? Si on comprend quoi du hadith? Si tu dors, tu perds les ablutions. Sinon, il n'allait pas mentionner le fait de dormir pour essuyer sur les après avoir essuyé ou pour justifier l'essuyage des chaussettes. C'est ce qu'on appelle mafoum et moukha à la fin. Le fait de comprendre ce que le texte indique. Comme l'a rapporté donc l'imam al-Nasa'i et Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi l'a authentifié, et le hadith est également authentifié par Shir, le jugé bon par Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ta question est revenue? Bismillah. Ah, j'ai répondu, sans connaître la question. Allahu Akbar. Tayyib. On passe, il reste combien de temps là? 10 minutes? 15, alhamdoulilah. On passe au chapitre suivant. Bab ma yujibul ghusl wa sifatuhu. Chapitre concernant ce qui rend obligatoire le ghusl, yani le grand lavage, et sa description. Et quoi? Sa description. Wa yajibul ghusl min al janaba wa iya inzalul mani. Donc le ghusl est obligatoire pour, premièrement, al-janaba. Al-janaba, il explique ici le shir, c'est quoi? C'est lorsque le mani sort. Le mani et le sperme. On avait fait la différence dans nos cours entre le mani et le mavi. Attention, al-mavi, c'est le liquide avant le rapport. Lorsque la personne a une excitation, un liquide qui est transparent, visqueux. Et le mani, c'est le liquide qui sort pendant ou à la fin du rapport, qui est un liquide qui est épais, blanchâtre. Et comme ils disent dans les livres de fiqh, et vous allez le voir avec le docteur dans Risala, qui a l'odeur, quand il est sec, du palmier, du pollen du palmier. Parce que les gens du firq, les savants du firq, ils parlent avec ce qu'ils connaissent dans leur environnement. À l'époque, les ulémas, ils vivaient avec les palmeraies autour d'eux, etc. Donc ils connaissaient ces choses-là. Peut-être pour nous, un peu moins fréquent là où on habite et à l'époque où on vit. Al-Muhim. Lorsque le mani et le sperme sort, que ce soit par le rapport ou autre que le rapport. C'est pas forcément que le rapport. Que ce soit par le rapport ou autre que le rapport, comme par exemple celui qui a un rêve. Celui qui a un rêve. D'accord? Ou celui qui le fait sortir lui-même. Hein, on avait déjà parlé, je crois, on en a parlé, hein, je crois, du jugement concernant le fait de se masturber. On en avait parlé, on avait dit que les savants l'avaient rendu haram, et on avait cité le verset, et notamment le tafsir de Aïcha radiallahu anha sur le sujet. Donc, إنزال المني يعني إذا نزل المني فيجب عليه أن يغتسل سواء أن هذا النزول كان بوطئ أن يوطئ زوجته أو أخرج المني بغير الوطء كالذي يستمني وهذا لا يجوز كما قلنا أخرج المني أو ما وطأ أو ما وطأ أهله لكن لعب مع أهله وأخرج المني فهنا يجب عليه الغسل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء الماء من الماء كما في الصحيح أي الماء الذي تغتسل به بسبب الماء أخرج منك وهو من المني طيب donc ici le fait que le mani le sperme sort et ici le sperme sort il est obligatoire de se laver de faire le grand lavage et hein, cette sortie du mani que ça soit par un rapport et quand la personne a un rapport avec son épouse hein, ou qu'il la sorte par un autre moyen que le rapport et ici le shir dit comme celui qui se masturbe on a vu que ceci n'est pas permis ceci est interdit ou même celui qui il manie il sort il n'a pas eu de rapport mais il a joué avec son épouse et le mani est sorti, le sperme est sorti. Alors lui, même s'il n'y a pas eu de rapport, il doit faire le grand lavage. Il doit faire le grand lavage. D'accord ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « al-ma » ou « min al-ma ». L'eau, comment on pourrait traduire ça ? L'eau oblige l'eau, yani. C'est-à-dire que l'eau, yani le sperme, le mani, rend obligatoire l'eau, yani l'eau que tu vas utiliser pour te laver. الماء من الماء طيب ثانيا أو بالتقاء الختانين la deuxième chose qui oblige hein, qui oblige le grand lavage c'est lorsque les deux circoncisions se rencontrent c'est-à-dire lorsque les deux parties intimes la partie intime de l'homme et la partie intime de la femme se rencontre, se touche, d'accord ? Même si il n'y a pas eu la sortie du mani, on va l'expliquer. زاد شيء آخر أو بالالتقاء الختانين يعني رجل وطأ أهله والتقى فرجه فرجها أو فرجه التقى فرجه فرجها لكن ما نزل المني فيجب عليهما الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية مسلم وإن لم ينزل donc ici le shir a rajouté une deuxième chose qui oblige le grand lavage c'est la rencontre des deux circoncisions c'est-à-dire que l'homme hein, il a un rapport avec son épouse c'est-à-dire que son sexe à lui rencontre le sexe de son épouse. Hein? Mais le mani ne sort pas. Il y a juste le rapport sans la sortie du mani. Alors là, il est obligatoire pour les deux, l'homme et la femme, de faire le grand lavage. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les deux circoncisions se rencontrent, alors le lavage est obligatoire. » Et dans une version du hadith rapporté par l'imam muslim et même si le mani n'est pas sorti même si la personne l'homme ou la femme n'ont pas sorti le mani وهذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة فأول الأمر اختلفوا كثير منهم يرون أن لا يغتسل إلا بنزول الماء فلو جامع زوجته وما أخرج منه المني فيقولون لا يجب عليه الغسل وهذا في الحقيقة كان في أول الإسلام ثم نسخ وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي حصل الجماع فيجب عليه الغسل وفي رواية أخرى وإن لم ينزل مع ذلك كثير من الصحابة ما كانوا يعرفون أن هذا الأمر نسخ فكانوا يقولون الذي جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل عائشة كانت رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تنكر وتقول له من هذا يحصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونغتسل ذكر في ترجمة أبي سلمة وذكر في ترجمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف كان يقول دائما الماء من الماء الماء من الماء الماء من الماء أي لا يجيب الغسل إلا بنزول الماء وسمعته عائشة فقالت له إن مثلك كمثل الفروج سامع الديك يسيح فصح أي سمع الناس ففعل مثلهم ومثلهم Donc, ce sujet fait partie des sujets dans lesquels les sahaba ont divergé. Il faut savoir que les sahaba n'ont divergé aucunement dans les affaires de l'aqidah. L'aqidah, la croyance, les sahaba sont tous unanimes sur la croyance. Il n'y a aucune divergence. Mais sur les sujets de fiqh, naam, ils ont divergé. Pour plusieurs raisons, on a déjà mentionné. Ils n'ont pas compris le texte de la même façon. Certains ont entendu le texte, l'autre ne l'ont pas entendu, etc. Et donc ça fait partie des sujets où ils ont divergé. Et beaucoup d'entre eux voyaient au début que le rousse était obligatoire seulement si le mani y sortait, seulement si le sperme y sortait. Donc si la personne avait un rapport avec son épouse, mais que le mani ne sortait pas, il disait quoi ? T'as pas besoin de faire le lavage. Et en réalité, ça, c'était la vie, ou c'était le jugement au début de l'islam. Au début de l'islam, le ghusl, le grand lavage, était obligatoire seulement si le mani sortait, c'est tout. Mais après, le texte a été abrogé. Il a été abrogé. Par quel texte ? Par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Si les deux circoncisions se rencontrent, alors le ghusl est obligatoire. Le lavage, le grand lavage est obligatoire. » Et dans une version, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Si l'homme s'assoit entre les quatre coins, entre guillemets, de la femme, et vous avez compris là où il s'assoit, et ensuite il l'a, et qu'il l'a, et ensuite qu'il a un rapport avec elle. » Ça oblige le ghusl. Là, il n'a pas dit si que le mani est sorti ou non. Et la troisième version, une troisième version mentionne et même si le mani n'est pas sorti. Ça, c'est clair. D'accord ? Malgré ceci, certains sahaba ne savaient pas cela. Ne savaient pas que ceci a été abrogé. Et il disait, celui qui a un rapport avec son épouse et que le mani ne sort pas, il n'est pas obligatoire pour le rousse. Il n'est pas obligatoire de faire le rousse. Notre mère, Ummul Mu'minin, Aisha radiallahu anha, réprimandait les gens sur cela. Et elle propageait la science. Je vous rappelle que Aisha est une des plus grandes savantes, si ce n'est la plus grande savante de cette communauté radiallahu anha. Notre mère Aisha. Et subhanallah, Imam Dr Diop nous a mentionné une faïda, un enseignement qu'il a entendu de un de ses chiikhs à Médine, Cheikh Khalid al-Raddadi, qui est mort, rahimallahu ta'ala, qui lui disait, lorsque tu mentionnes ou lorsque tu lis le nom de Aïcha, ou le nom de Umm Salama, ou d'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Ummul Mu'minin, même si c'est pas écrit. Même si c'est pas écrit, Ummul Mu'minin, radiyallahu anha, la ni la mère des croyantes. Astaghfirullah, la mère des croyants. Donc, Aïcha, afwan, Aïcha, elle réprimandait les sahabas sur ce sujet. Il est même rapporté que dans la biographie de Abu Salama, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, c'était pas un sahabi. Abu Salama était un tabi'i, parmi les plus grands tabi'i. Et même il faisait partie des fuqaha as-sab'a, un des sept grands fuqaha, des sept grands savants de Médine. Abu Salama ibn, c'était le fils de qui? Abdurrahman ibn Auf, min al-mubashirin ila al-jannah. Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des dix promis au paradis. Il disait Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, al-ma min al-ma, al-ma min al-ma. Il répétait le hadith qui implique quoi? Que le ghusl est obligatoire seulement si le mani y sort. Alors Aïcha radiallahu anha, qui a un rang bien sûr beaucoup plus élevé que lui, elle est la mère des croyants. Elle était la savante de son époque. Et eux, c'était ses élèves. Elle lui a dit, elle a dit, toi, tu es comme le poussin. Tu entends le coq chanter, alors tu chantes. Dans la mesure où tu répètes ce que tu entends et tu répètes. Alors qu'il ne savait pas, Yannick, le texte a été abrogé. Et que maintenant, c'est plus l'Allemagne ou l'Allemagne. Mais si les deux circoncisions se rencontrent, si les deux sexes se rencontrent, alors même s'il n'y a pas s'il y a pas la sortie du mani, il est obligatoire de faire le grand lavage. C'est l'heure, 3. Et après, elle lui a mentionné, elle a mentionné le hadith à Aïcha sur les deux circoncisions. T'arrives ? فعمر وأبو موسى ذهبا إلى عائشة وسألاها فلما أجابتهم لذلك خطب الناس عمر على المنبر وكان يقول من فعل هذا لا ما فعلنا أي إياكم أن تقولوا هذا القول إذا نزل المني بسبب المرض أو ça c'est notre sujet. Et donc Omar, j'ai dit Amr, excusez-moi en arabe, Omar et Abu Moussa, lorsqu'ils ont entendu cela, ils sont partis voir Aïcha. Et ils l'ont questionnée. Et Aïcha, on ne l'a pas traduit tout à l'heure, mais elle a mentionné que elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient le lavage pour cette cause-là, yani pour la rencontre des deux circoncisions. Et donc Omar et Abu Moussa, radiallahu anhum, sont partis voir Aïcha et l'ont questionnée sur cela. Alors lorsqu'elle leur a répondu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu s'est mis sur le minbar et s'est adressé aux gens. Et il leur a dit, attention de dire cette parole. Il les a mis en garde sur le fait de dire quoi, la parole de quoi? Al-ma min al-ma. Ani, attends, il ne les a pas mis en garde contre le hadith en lui-même, mais de voir l'avis que le grand lavage est obligatoire seulement si le mani sort, d'accord? Et donc il les a mis en garde contre ceci. إذا نزل المني بسبب المرض أو البرد الشديد اختلف العلماء على قولين والصواب أنه لا يجب الغسل لأن جاء في بعض الروايات إذا غضفت فاغتسل والغضف هو الخروج المني بشهوة وبقوة أما مجرد المرض أو كبير في السن أو جاه البرد الشديد فلا يجب عليه الغسل. Ici il est mentionné celui où le mani qui sort à cause de la maladie. Des fois il est possible à cause de la maladie le mani il sort, le sperme il sort. Ou alors lorsque le froid est très très intense, apparemment le mani peut sortir. Allahu alam. C'est ce que les ulémas mentionnent. C'est que ça doit arriver pour peut-être certaines personnes, Si le froid est tellement fort, il est possible que le mani y sort. Ici, les ulama, ils ont divergé. Est-ce qu'il fait le rousl ou pas? Est-ce qu'il fait le rousl ou pas? Deux avis. Certains disent qu'il ne fait pas le rousl, d'autres oui. Ici, le shir, il dit que l'avis le plus juste, c'est qu'il ne fait pas le rousl. Qu'il ne fait pas le rousl. Pourquoi? Parce que dans certaines versions, hein, des hadiths concernant le fait du mani qui sort, hein, c'est le verbe ravafa qui est mentionné. Ravafa, c'est-à-dire le fait qu'il sort avec désir et avec force. Le mani sort, hein, avec désir et avec force. Mais lorsqu'il sort lors de la maladie, il ne sort pas ainsi. Il sort ni sans force et sans désir. D'accord ? Donc ils disent, cette version du hadith vient prouver que le mani qui oblige le grand lavage, c'est seulement celui qui sort avec le désir et avec force. Hein, ça sort, hein, avec une pression. D'accord ? Façon de parler. Allez. C'est un peu difficile de trouver le mot. Mais vous avez compris. Avec quoi t'as dit ? Vigoureusement. Barakallahu fik. C'est moi qui est un peu plus adapté. Naam. Jazakallah khair. Tayeb. Donc il dit ici le shir, si c'est à cause de la maladie ou quelqu'un qui est très vieux en âge et hein, le sperme il sort comme ça sans force et sans désir, hein, ou alors c'est à cause d'un grand froid, le rousse n'est pas obligatoire. Par contre, Tayeb, le rousse n'est pas obligatoire. Il doit faire les ablutions. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort des deux orifices annule les ablutions. Attention. Mais ici, ils ont divergé sur le rousse, le fait de se laver. Hein? Tayeb, donc faites bien la différence. Hein? On va s'arrêter là, c'est l'heure de l'adhan. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك